Les efforts occidentaux pour isoler la Russie échouent, a déclaré samedi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans un message vidéo aux participants et aux organisateurs de la conférence mondiale sur la multipolarité à Moscou. Il semble logique que les efforts de Washington et de ses satellites pour inverser le cours de l'histoire, pour forcer la communauté internationale à vivre selon un ordre fondé sur des règles inventées, échouent. Je mentionnerai seulement l'échec complet de la ligne occidentale d'isolement de la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Lavrov a également noté que les nouveaux centres mondiaux en Eurasie, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, ne veulent plus être les otages des jeux géopolitiques des autres et les exécuteurs de la volonté des autres. Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que plus de 100 experts de 60 pays avaient confirmé samedi leur participation à la conférence mondiale sur la multipolarité. Les participants plaideront pour des relations interétatiques plus justes et plus démocratiques. Afrique Média, le monde, c'est nous.